Lève-te-me vers le Seigneur quand la bataille fait rage. Lève tes mains vers le Seigneur, c'est ta rédition. Lève tes mains vers le Seigneur pour la liberté. Pendant la guerre, si tu as peur de l'ennemi, quand il lève les mains, tu ne peux plus le tuer. Par en levant le main, c'est la vision. Lève tes mains vers le Seigneur, c'est l'abandon. Lève tes mains vers le Seigneur, c'est la paix. Par Jésus-Christ, Satan. De tout ce qu'il a fait pour toi et adore-le. Lève tes mains vers le Seigneur quand la bataille fait rage. Lève tes mains vers le Seigneur, c'est ta rédition. Lève tes mains vers le Seigneur. Car Jésus-Christ, sa grâce durera toujours. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. Remercie-le. Car Jésus-Christ, sa grâce durera toujours. Souviens-toi de tout ce qu'il a fait pour toi. Adore-le. Lève tes mains vers le Seigneur quand les épreuves surviennent. Lève tes mains vers le Seigneur quand vient la maladie. Lève tes mains vers le Seigneur et implore-le. Car Jésus de tout ce qu'il a fait pour toi, remercie-le.